Radiomatique. Pour amorcer la transmission 480 de Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la pièce BTB, interprétée par le batteur anglais Moses Boyd. Cette pièce est tirée de son premier album solo, Dark Matter, paru en 2020. Et maintenant, c'est au tour du groupe anglais Depeche Mode d'assurer la continuité à Audiomatic. Heaven. Audiomatic, c'était la formation anglaise Ill Considered de son album Liminal Space lancé en 2021. Nous entendions la pièce The Lurch. Tout juste avant, on avait droit au groupe anglais Depeche Mode du EP Ghosts Again Remixes. Nous écoutions la chanson Ghosts Again, ici remixée par Matthew Herbert sous le nom de Feelings Remix. Mentionnons que la version originale de la chanson Ghosts Again se retrouve sur le plus récent album de Depeche Mode, Memento Mori, qui est sorti en 2023. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation canadienne Crystal Castles. Audiomatique, nous avons entendu la formation norvégienne Data Rock avec la pièce Laurie, qui est extraite de son premier album Data Rock, lancé en 2005. Précédemment à Data Rock, il s'agissait de l'artiste anglais Bill Ryder Jones et la chanson Nothing to be Done de son cinquième album Yeheda, qui signifie « À votre santé » en gallois et qui est sorti le 12 janvier 2024. Et en amorce de séquence, nous avions droit au groupe canadien Crystal Castles de son deuxième album studio intitulé « Crystal Castles 2 » et paru en 2010. Nous vous avons fait jouer la chanson « Vietnam ». À Audiomatique, nous enchaînons maintenant avec l'artiste anglais Damon Albarn. It radiates on you. Some days I look at the morning, trying to work out how I got here. 'Cause the distance between us is the glamour's cause. Late night on the shop floor, what language was I speaking? Not sure I remember the thrill and fall. Always in me, letting blame me, blame me, blame me, blame me. Let it go. Audiomatique. Il s'agissait de la formation polonaise Niehench avec sa composition Ciała, qui veut dire corps en polonais. Cette pièce se retrouve sur le plus récent album de Niehench intitulé Unsubscribe et sorti en 2022. Avant Niehench, il s'agissait de l'artiste anglais Damon Albarn, bien sûr chanteur du groupe Blur, et également de Gorillaz et du groupe The Good, The Bad and The Queen. Il nous offrait la pièce You and Me de son premier album solo Everyday Robots, lancé en 2014. En conclusion de cette transmission 480 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe canadien Death From Above 1979. De son deuxième album The Physical World, lancé en 2014, nous écouterons la pièce-titre. Mentionnons que le groupe s'appelait à l'origine Death From Above et que pour des raisons légales, les membres ont emprunté le nom de Death From Above 1979 de 2004 à 2017. Depuis 2017, le groupe est connu simplement en tant que Death From Above. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Death From Above 1979 et la chanson The Physical World. C'était Audiomatique avec les sonoristes.